credo unicum de 1 à 3 à 1. Nous pensons et ne croyons pas par exemple. La philosophie d'Unicom est basée sur la théorie selon laquelle il n'y a pas de créateur ou de fabricant pour l'univers avec un contact ou une relation avec notre monde connu dans le passé ou le présent. Ce qui fait que personne ne connaît son existence ou la vérité derrière l'univers, son origine et son destin disponibles parmi l'humanité. Astérisque. Nous, dans le credo d'Unicom, pensons à la validité de cette théorie et n'y croyons pas fermement parce que personne ne sait ce qui se passera à l'avenir ou l'esprit humain arrivera-t-il un jour à ses conclusions. En ce qui concerne la vérité sur l'origine et le destin de l'univers et l'existence d'un créateur ou au-delà de tout cela, nous ne sommes pas dans un état de suspicion constante. Mais nous vivons dans des situations de visualisation ouverte et progressive. Et nous ne croyons pas que cet être est nécessaire en raison de son importance pour l'existence et le destin de l'humanité tant qu'il n'a pas été réalisé son existence même. Et donc nous, en tant que credo, nous pensons inexcité d'un créateur pour l'univers, il était ou en relation connue avec notre environnement humain et nous ne croyons pas à son existence ou à sa non-existence. Par exemple, la théorie d'Unicom est basée sur le fait que l'esprit humain est la solution à tout. Et qu'aucun autre être ne peut entrer dans l'arrangement et le destin de l'univers ou organiser les affaires humaines et le sauver sauf l'esprit humain lui-même, astérisque nous, dans le credo d'Unicom. Nous pensons à la capacité de l'esprit humain et à personne d'autre à lutter pour relever les défis auxquels est confronté l'être humain et à fournir des remèdes et des solutions. Mais nous ne croyons pas à la capacité de l'esprit humain absolument pour relever tous les défis et fournir toutes les solutions. Et nous pensons que la nature a des facteurs qui peuvent dépasser et dépasser les capacités de l'esprit humain, mais nous n'y croyons pas. Parce que nous pensons au développement continu de la conscience humaine, selon les obstacles qui posent des défis à la continuité de son existence.